me suis réveillé, tu dormais dans mes bras, jolie Léa. Et cette matinée brillait de vie, de joie, jolie Léa. Peut-être que mon rêve, après tout, c'est toi.